Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veillon va ouvrir le bulletin de sport local et régional. D'abord, en parlant du directeur général et instructeur-chef des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Il a signé une entente de 3 ans avec les Saguenay qui va le lier jusqu'à la formation janoise jusqu'en 2021-2022. Également, Rénal Neptune, qui est le directeur des opérations hockey et un peu l'adjoint de Yannick Jean, s'est vu offrir également un contrat de 3 ans avec la formation, de même que Daniel Demers. Tout ce beau monde pourront se préparer pour le repêchage qui aura lieu le 2 juin prochain à Shawinigan. Et rappelons que les Saguenay de Chicoutimi ont le premier choix. Et puisqu'il est question du repêchage, hier on a parlé avec Hendrix Lapierre qui risque d'être le premier choix au repêchage lors de l'encamp de la Ligue de hockey junior du Québec le 2 juin prochain. Et Hendrix Lapierre, ça dit d'abord... C'est dit d'abord comme un joueur, un fabricant de jeu. On va l'écouter là-dessus. Beaucoup plus un fabricant de jeu qu'un marqueur. Je pense que j'ai une bonne habileté niveau passe. Je suis capable de faire des bonnes passes, trouver mes coéquipiers. Mon lancer, c'est des affaires sur lesquelles je veux travailler cet été. Donc, je suis beaucoup plus un fabricant de jeu qu'un marqueur, je pense. Rix Lapierre a rencontré récemment les dirigeants des Saguenayens de Chicoutimi. Ouais, ben on a eu une rencontre avec eux dans le fond pendant la Coupe Dutch à peu près là. OK. Ça a très très bien été. Écoute, on est allé manger à un restaurant puis ça a super bien été, la conversation a bien été. Ils m'ont parlé de leur organisation puis ça a l'air d'en être toute qu'une, donc je serais vraiment fier de me joindre au Saguenay. OK. Et dans un dernier temps, ben Rix Lapierre se compare à un joueur important des Capitals de Washington. J'aime vraiment ça me comparer à un gars comme Evgeny Kuznetsov des Capitals de Washington. Okay. Je pense que c'est un patineur fluide, un plus un fabricant de jeu qu'un marqueur, puis capable de créer des jeux pour ses coéquipiers, des bonnes mains, donc j'aime vraiment ça me comparer à lui. Là. OK. Parlons maintenant d'une belle nouvelle concernant l'équipe de Roberval, des Aigles de Roberval. C'est que la Cité étudiante s'est vu octroyer une équipe cadette de Division 2 qui va se joindre à l'offre déjà en cours de niveau Benjamin 1 ainsi que Juvenile Division 2 qui ont été confirmés il y a quelques semaines. Faites à noter, la demande de la polyvalente 80 et de Saint-Félicien et la polyvalente Jean Delbeau ont été refusées. Par ailleurs, il y aura un pré-camp d'entraînement qui va débuter lundi avec les 3 équipes et ça aura lieu au centre sportif Marianne Saint-Gelais de Saint-Félicien. Et en entrevue hier sur les ondes de Danazosport.com, Simon Gaudreau a expliqué qu'il a déjà obtenu des curriculum vitae pour le poste d'instructeur-chef des 3 formations. Ouais, on avance, on rencontre des gens, on veut faire les choses de la bonne façon. Les délais sont respectés, on parle encore de juin, donc là présentement on est début mai, donc on a nos camps d'entraînement. Puis une fois que les camps d'entraînement vont être terminés, là, on va regarder ça de plus près, c'est sûr. Et on laisse aller nos camps d'entraînement, c'est sûr. Bonne nouvelle pour les gens de Delbeau, Mistassini. Il y aura le défenseur de l'Avalanche du Colorado et natif de Roberval, Samuel Girard, a décidé de se joindre au camp de perfection de l'équipe de Power Skating Julie Robitaille qui aura lieu au complexe sportif du secteur de Delbeau du 20 au 24 août. Donc Samuel Girard profitera également de l'occasion pour signer une série d'autographes. Et en terminant, on a parlé hier à Pierre-Alexandre Bédard qui a terminé sa saison de golf en Floride cet hiver. Il est de retour maintenant au Québec pour entamer sa saison estivale. Et Pierre-Alexandre Bédard mentionne que ça a été un voyage très long cette année. Qui était très très long. Je vais quitter le Québec le 3 janvier pour la Floride. Je suis revenu seulement le 27 avril, donc un bon bloc de 4 mois. J'étais chanceux de pouvoir jouer sur une track de golf qui était vraiment formidable. Des belles installations de pratique. Puis j'étais vraiment, vraiment content de ça. Ça m'a permis de développer un petit peu mon jeu vraiment à l'entour des greens, parce que c'était plus difficile à jouer. Dans l'ensemble, mon objectif de passer les Keough School n'a pas été réussi. Ça, c'est sûr que c'est une déception. Mais écoute, je suis hors de là quand même meilleur golfeur que j'étais en arrivant en janvier. Ça, c'est garanti. Sur quoi que Alexandre Bédard a hâte de voir les améliorations et de pratiquer ce qu'il a amélioré au niveau technique dans les tournois au Québec cet été? Tour des Greens, coup de short game. La pelouse où j'étais en Floride, c'était la pelouse qui était très, très courte.